moi que je suis le plus beau, le plus fort avec un marteau, le plus subtil des cerveaux. Dis-moi aussi que je suis le plus drôle, la plus romantique des idoles, ta vie folle et féerie, sans moi serait dramatique. Va faire vivre trop vite, on voit plus à travers sa mairie. D'un animal, pas grave si t'es pas cérébral. Ton cul lui est pas mal. Ton sourire est une pluie automnale. Tes joues pleines et pâles sont plus belles qu'un calcul mental. Succulente comme une tranche d'émentale. Passe l'aspirateur vite. Y'a des moutons, ça m'irrite. Je préférerais avoir une conjonctivite te voir sucer ma Emma, t'as pas le temps de t'ennuyer. Y'a de la vaisselle sale dans les pieds. Le linge s'est encore froissé. La poussière s'est encore déposée. Je te vois débordé, mais active-toi vite, c'est dégueulasse ça.